j'essaye de mettre en P-tube là, mais je trouve que le son est fort. Hein. En fait, dès que tu changes de programme, ça change le volume. Là. Thank you. Je sais pas. Allez.